Je pense pour quelques minutes, nous devrions étudier ensemble Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. C'est encore le quatrième pilier, considération sur le mystère de la providence. Et avant de méditer un peu sur les implications et de poursuivre peut-être encore des questions, nous allons étudier ces versets. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous, qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Eh bien, il y a assez de contenu pour un sermon ou deux dans ces versets. Probablement, il n'y a pas un texte plus important dans la Bible pour nous donner des raisons pourquoi nous devrions adorer Dieu. Ça commence même avec l'adoration, « Béni soit Dieu ». La forme de cette prière, de cette gloire à Dieu, c'est juif. « Béni soit Dieu » ou « Béni sois-tu parce que tu nous donnes le pain de la vie ». Mais immédiatement, c'est une prière chrétienne. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Dans verset 3, il nous donne presque un survol des raisons pour lesquels il veut que nous bénissions l'Éternel. Et dans les versets suivants, il nous donne les détails de ce survol. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Notez bien, trois fois le mot « béni » ou « bénédiction ».« Béni soit le Dieu » et Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toute bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous autres, nous bénissons Dieu et Dieu nous bénit. Est-ce que ça veut dire la même chose? Après tout, quand je bénis Dieu, je le loue. Quand Dieu me bénit, est-ce qu'il me loue? Donc, pourquoi se servir du même mot? Le sens de bénédiction, il me semble, au centre de cet usage, c'est la notion d'approuver. Quand je bénis Dieu, je l'approuve. mais parce que je l'approuve et il est Dieu, de l'approuver pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il contrôle, pour sa gloire, pour sa bonté, pour ses attributs, pour ses caractéristiques. Nécessairement, c'est la louange. Mais si Dieu me bénit, il m'approuve, et ça, c'est toujours un acte de grâce. Ce n'est jamais un acte de louange parce que c'est l'acte de Dieu envers la créature, le créature. La créature. Donc, nous approuvons Dieu, nous le louons. Et Dieu nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, les bénédictions spirituelles en Christ que Paul a en vue ici incluent l'élection à la sainteté, l'adoption afin que nous devenions les enfants de Dieu, la rédemption, le pardon, connaissance des plans de Dieu, le don du Saint-Esprit et l'espérance de gloire. Nous allons passer à travers cette liste en quelques instants. Mais nous devrions remarquer deux ou trois détails. C'est nous, c'est-à-dire les chrétiens, qui recevons ces bénédictions spirituelles et on pourrait dire la sphère dans laquelle nous recevons ces bénédictions, c'est les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression se trouve seulement dans l'Épître aux Éphésiens et 5 fois dans cet Épître. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression a un sens local, mais avec d'autres connotations. Premier usage ici. Ensuite, chapitre 1, verset 20. Verset 19 parle de l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire apparemment dans la présence de Dieu, où se trouve le trône de Dieu, où se trouve la présence de Dieu, pour utiliser l'expression des Épîtres aux Hébreux, où se trouve le tabernacle de Dieu. Chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc Jésus est assis à la droite de l'Éternel, dans les lieux célestes. Et ici, nous lisons, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, nous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore, chapitre 3, verset 10. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Apparemment des anges, soit bons ou méchants, le texte n'exprime pas, mais apparemment des anges dans les lieux célestes voient la sagesse de Dieu dans l'Église. Et finalement, chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans ce cas, certainement, ces principautés sont méchants, malgré le fait qu'ils se trouvent dans les lieux célestes. Comment comprendre donc cette expression? Qu'est-ce qui est en vue dans chapitre 1, verset 3? Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il me semble que cette expression est une espèce d'équivalent spatial à l'eschatologie inaugurée. Maintenant, il faut que j'explique cela. C'est une espèce d'équivalent spatial de l'eschatologie inaugurée ou réalisée. C'est-à-dire, nous sommes, je suis certain pour la plupart, nous sommes déjà au courant de l'eschatologie inaugurée. C'est-à-dire, dans un sens, la consommation n'est pas arrivée. Le royaume n'est pas encore arrivé. Pas encore. Mais, dans d'autres textes, déjà. Déjà Christ règne, n'est-ce pas? Déjà, il a toute autorité, même si cette autorité est contestée. Donc, dans le Nouveau Testament, assez souvent, nous rendons compte qu'il y a une espèce de tension entre déjà et pas encore. Déjà, c'est arrivé, mais ce n'est pas encore arrivé. Déjà, nous avons la vie éternelle, mais nous allons mourir et nous allons recevoir la vie éternelle, en fin de compte, dans des corps ressuscités, seulement à la fin de l'âge. Déjà, nous avons pas encore, vous voyez? Donc, il y a toujours dans le Nouveau Testament ce côté-ci de la résurrection, de l'ascension du bien-aimé Fils de Dieu, une espèce de tension entre l'avenir et ce que nous avons déjà, entre le déjà et le pas encore. Et dans ce sens, il y a une eschatologie inaugurée, mais pas encore consommée. C'est le théologien suisse Oscar Kuhlmann qui a donné un assez bon exemple de cela après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous avez entendu parler de son exemple? Oui? C'est au courant ou non? Non? Oui? Pardon? Oh, mais bon, eh bien, on commence avec son nom, donc, Kuhlmann. Il a fait une distinction entre jour D, D-Day, le jour quand les soldats sont arrivés au bord de France, de l'Ouest. Déjà, les Russes étaient à l'Est et déjà aussi les Alliés avaient vaincu en Afrique. Et ils étaient en train de vaincre les nazis aussi en Italie. Et dans 3 jours, 1 100 000 soldats sont embarqués en France, D-Day, c'est-à-dire le jour de l'embarcation. Et on pourrait dire, peut-être, débarquement? De débarquement. Oui, embarcation, non, ça c'est la mauvaise direction, n'est-ce pas? Oui. Ils sont embarqués en Angleterre, sont débarqués en France. Oui. Vous voyez, après un petit bout de temps, le français revient. Et on appelait ça, au moins dans le monde anglophone, D-Day, c'est-à-dire jour D. Est-ce qu'on dit J-D? Jour J? J? Pourquoi J? Oh, jour. Mais c'est comme si on disait jour-jour, donc, hein? Mais en tout cas, J-D, J-jour. Et en tout cas, vous savez ce dont je parle. On pourrait imaginer à ce point que la guerre était terminée. Après tout, avec des millions et des millions de soldats à l'Est, et ensuite avec la capacité industrielle et financière et d'énergie, d'huile, d'âmes que le reste du monde pouvait offrir, en fin de compte. Il n'y avait pas une seule chance que les nazis pouvaient gagner à ce point. C'était déjà déterminé. La guerre était finie. Est-ce que ça voulait dire qu'Hitler a dit « Oups, est-ce que peut-être je pourrais avoir la paix maintenant? » Pas une seule chance, hein? Et même, la guerre était extrêmement difficile à maintes reprises. The Battle of the Bulge, est-ce qu'il y a une expression pour cela en français? The Battle of the Bulge? Quand les nazis ont essayé de parcourir la France encore de nouveau, pardon? Oui, encore via les Ardennes, et la bataille des Ardennes, et ensuite à Berlin, c'était un massacre. Épouvantable. Mais en fin de compte, les alliés ont gagné la victoire entre J jour et V jour, jour de victoire. Il y avait une période de guerre et c'était brutal. Pour nous, notre J jour, pour ainsi dire, notre jour de débarquement, où c'était bien évident que tout était accompli. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La fin est déjà inaugurée. C'est bien clair qui va gagner. Il n'y a aucune chance que l'autre côté va gagner. Pas une seule chance. Mais est-ce que ça veut dire que le diable, maintenant, il dit « Oups, est-ce que je peux avoir la paix? » Vous voyez, il y a une tension continuellement jusqu'à la fin entre ce qui est déjà inauguré et ce qui attend encore la consommation. Quoi faire? Donc, sur un côté, on peut se réjouir que tout est accompli. Le péché a été payé. Nous avons déjà le Saint-Esprit comme un dépôt de la vie éternelle que nous allons recevoir dans nos corps ressuscités un jour. Il y a une tension entre le « déjà » et le « pas encore ». Et cette expression, « les lieux célestes », devient quasiment un équivalent spatial. Un jour, nous serons autour le trône, dans nos corps de résurrection. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Un jour, nous nous rassemblerons toute l'Église en sa présence. Vous n'avez que lire Apocalypse pour voir une telle vision. Mais déjà, selon, par exemple, Hébreux chapitre 12, nous sommes déjà arrivés à la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes déjà pas devant la montagne d'Horeb, la montagne de Sinaï, la montagne de la loi ou de l'ancienne Jérusalem. Maintenant, nous sommes déjà arrivés à la nouvelle Jérusalem. Nous sommes déjà en sa présence. L'Église se ressemble déjà devant la présence de Christ parce que c'est Christ qui nous représente, parce que nous sommes en lui. Si lui, il est assis à la droite de Dieu, dans un sens, notre représentant est là et nous sommes réunis déjà en sa présence. C'est une espèce d'équivalent spatial de cette eschatologie inaugurée. Nous sommes déjà en sa présence, même si nous ne sommes pas là avec nos corps personnels, ressuscités, individuellement, perfectionnés. Mais déjà, nous sommes tellement identifiés avec lui. Il a tout fait. La décision est finale. Nous savons comment nous allons voir le résultat. C'est déjà promis. C'est déjà accompli. Et il y a une espèce de gloire dans cela. Et Dieu nous a bénis dans les lieux célestes, c'est-à-dire en sa présence, où le Christ lui-même se trouve à la droite de Dieu, accepté en lui, acceptable en lui. Et si nous avons des luttes contre les principautés, même dans les lieux célestes, eh bien, c'est inauguré, ce n'est pas encore la victoire, ça va arriver. Vous voyez? Ça, c'est la dimension que l'apôtre Paul veut donner dans cet épître. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Eh bien, c'est pour cette raison que toutes ces bénédictions sont en lui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus et ainsi de suite. Toutes ces bénédictions nous sont arrivées parce que nous sommes en lui. Et maintenant, en particulier, quelles sont les bénédictions individuelles que l'apôtre Paul mentionne? Numéro 1. Nous avons été choisis et adoptés. Nous avons été élus et adoptés. En lui, verset 4 à verset 6, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi j'ai décidé d'étudier ce passage dans le contexte du quatrième pilier, c'est-à-dire le mystère de la souveraineté de Dieu, le mystère de sa providence, le mystère même de son élection, avant la fondation du monde. Mais ce n'est pas si difficile à comprendre dans un sens. Après tout, comme j'ai déjà remarqué, ce n'est pas comme si Abraham s'est présenté devant Dieu et il était volontiers pour dire à Dieu, je suis prêt à être le grand-papa d'une autre nation. C'est une bonne idée, là, maintenant que tu crées une autre nation. Et moi, je suis prêt à m'offrir pour cette tâche. Mais c'est plutôt Dieu qui l'a choisi. Quand Moïse a décidé qu'il serait lui-même le sauveur du peuple, les choses ne sont pas allées bien. Mais à la fin de sa vie, c'est Dieu qui l'a choisi. Et tout était fait. C'est la choix de Dieu qui arrange tout, même ici, avant la fondation du monde. Mais ça, ce n'est pas tout simplement afin que nous puissions être privilégiés, si moins orgueilleux, mais afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être adoptés. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Donc, nous revenons à ce que nous avons étudié lundi, le sens d'un fils de Dieu, le sens d'un fils dans l'ancien monde. C'est-à-dire, un fils est premièrement quelqu'un qui partage la caractère, la vocation, les caractéristiques de la famille, du clan, du père. Et déjà dans Exode chapitre 4, déjà aussitôt qu'Exode chapitre 4, Dieu parle d'Israël comme son fils. Il dit à Pharaon, par la bouche de Moïse, « Israël est mon premier-né, mon fils premier-né. » Et je dis, « Laisse aller mon fils afin que mon fils m'adore dans le désert. » Maintenant, c'était un fils qui n'a pas souvent bien représenté la sainteté de leur père. Mais quand même, l'expression est là, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est le fils unique, sans doute. Mais nous devenons aussi fils de Dieu par l'adoption. Et nous devrions refléter sa caractère. Donc, nous avons déjà vu dans le deuxième pilier qu'à la fin de tout, dans l'Apocalypse chapitre 21 et 22, nous lisons, « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais à ce point, nous serons tellement bons fils qu'il n'y aura rien dans notre caractère qui trahira Dieu, qui sera une trahison de la caractère de Dieu. Rien. Et déjà, nous sommes adoptés, nous avons été adoptés par la prédestination par Jésus-Christ, selon le dessein bienveillant de sa volonté. Deuxièmement, nous avons été rachetés et pardonnés, verset 7 et verset 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Nous avons déjà examiné ce mot « rédemption » quand nous avons étudié ensemble lundi cette expression qui se trouve dans Romains chapitre 3, 21 à 26. Et je ne vais pas répéter cette étude ici. C'est-à-dire, nous avons été libérés de notre esclavage. Quelqu'un a payé le prix. Maintenant, nous sommes rachetés. Et ça, le prix, ça était déjà son sang. Et comme nous avons vu, ça signale sa croix, sa mort, la vie versée pour nous en sacrifice pour payer pour nos péchés. Donc, autrement dit, nous recevons le pardon des péchés parce que quelqu'un a déjà subi la punition que nous devrions recevoir. Et tout cela selon la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. L'expression ici, en toute sagesse et intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire plutôt avec sagesse et intelligence. C'est-à-dire, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il a pardonné nos offenses, mais il nous donne aussi, avec cela, la sagesse et la connaissance, la sagesse et l'intelligence pour l'apprécier, pour trouver dans ses biens notre joie, afin de le saisir. C'est-à-dire, il ne nous donne pas tout simplement le pardon, mais il nous donne la sagesse et l'intelligence pour le reconnaître, pour l'accepter, pour y croire, pour se fier à lui. Vous voyez? Donc, il y a une révélation, on pourrait dire, objective et une révélation subjective. Comme nous voyons, par exemple, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, ça prend non pas tout simplement la parole de la croix, ce que Christ a accompli sur la croix, mais aussi ça prend l'œuvre du Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux afin que nous puissions accepter, comprendre, croire, parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre ces choses. Nous sommes tellement aveugles, nous avons tellement les cœurs durs que nous n'acceptons pas ces choses. Donc, avec ces grands délits, avec ces grands bienfaits, ici, la rédemption et le pardon de nos péchés, il nous donne aussi la sagesse et l'intelligence pour les reconnaître. Troisièmement, Dieu nous a aussi démontré, Dieu nous a donné la révélation de ce grand mystère de Dieu. Verset 9 et verset 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, mystère? Ça ne veut pas dire mystère dans exactement le même sens que j'utilise le mot quand je parle de du mystère de la providence. Ça, c'est utiliser le mot mystère dans un sens ordinaire français. Le mystère de la providence. Mais le mot mysterion, en grec, se trouve 27 ou 28 fois dans le Nouveau Testament. Il y a une variation, 27 ou 28 fois. Et dans soit presque chaque occasion, ou peut-être chaque occasion, ça ne signale pas quelque chose mystérieuse comme providence, mais plutôt quelque chose qui est autrefois caché et qui est maintenant révélé. Au risque de diviser la foule, maintenant, je note qu'en général, les dispensationalistes classiques ont surtout souligné ce que l'Ancien Testament ne nous a pas donné, qui est arrivé seulement en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le dispensationalisme classique a souligné surtout la discontinuité entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Par contre, en général, la tradition de l'Alliance, la tradition réformée, a souligné surtout la continuité entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et c'est pour cette raison que, pour un bon bout de temps, entre à peu près 1900 et 1960, 1975 à peu près, un grand nombre de dispensationalistes ont écrit des essais et des livres sur le thème de mystère, c'est-à-dire des choses qui étaient cachées dans les temps avant et qui sont maintenant révélées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça souligne la discontinuité entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, n'est-ce pas? Mais le plus que nous lisons le Nouveau Testament, le plus que nous découvrons, il me semble, que les écrivains néo-testamentaires peuvent parler de l'Évangile comme la chose qui, à la fois, était cachée dans l'Ancien Testament et qui est maintenant révélée, et, à la fois, qui était prédite dans l'Ancien Testament et qui est maintenant accomplie. N'est-ce pas vrai? À la fois. La question, c'est celle-ci. Comment mettre ces deux lignes de pensée ensemble? Voir l'Évangile comme quelque chose qui a été... L'Évangile, c'est un Évangile, pas une, un Évangile masculin. Un Évangile qui a été prédit dans les temps passés et maintenant qui est accompli, et à la fois un Évangile qui a été caché dans le temps passé et maintenant qui est révélé. Comment avoir les deux? Donc, en général, les dispensationalistes ont souligné le fait que l'Évangile était caché. Maintenant, c'est arrivé, c'est révélé. Ou il y avait des différences entre dispensationalistes et dispensationalistes. Des fois, ils ne disaient pas que c'était l'Évangile qui était caché, mais un aspect ou un autre de l'Évangile, que tout le monde sera réuni en Christ ou quoi que ce soit. Mais quand même, c'était caché. Et par contre, la tradition réformée a souligné que presque toute chose de signification dans le Nouveau Testament, selon les auteurs néo-testamentaires, ont été prédits. C'est l'accomplissement des anciennes Écritures. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'apôtre Paul peut lier les deux ensemble. Avez-vous remarqué les derniers trois versets de Romains chapitre 15? Romains chapitre 15, 16 plutôt. Romains chapitre 16, verset 25 à verset 27. Les derniers trois versets. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon Évangile, donc nous parlons de l'Évangile. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Et tous les dispensationalistes disent « Amen ». Mais maintenant, manifesté par les écrits prophétiques, c'est-à-dire l'Ancien Testament, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. Et tout l'héritage réformé maintenant crie « Amen ». Vous voyez? L'apôtre Paul peut insister que cet évangile est à la fois quelque chose caché, en secret, maintenant révélé, et à la fois déjà dans les Écritures et maintenant expliqué par ses Écritures à toutes les nations. Comment est-ce qu'il peut dire cela? Tous les deux. À la fois. Nous avons déjà vu quelques indices de cela, déjà, n'est-ce pas? Surtout quand nous avons examiné la croix ensemble. Vous vous souvenez sans doute de Matthieu chapitre 16, où l'apôtre Pierre confesse que Jésus est le Christ, mais il n'entend pas par Christ exactement ce que nous entendons, comme nous avons vu, parce que lui, jusqu'à ce point, n'avait pas la catégorie de Christ crucifié et ressuscité. Pour lui, Christ signalait « Fils de David, roi que nous attendons, loin de Dieu, quoi que ce soit, mais pas Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Pour nous, nous ne pouvons pas parler de Christ sans penser de la croix, n'est-ce pas? Mais pour lui, il n'avait pas encore cette catégorie. Et il n'a pas eu avant la résurrection non plus. Il a été surpris. Dans ce sens, c'était encore caché. Secret. C'était la révélation de la résurrection qui lui a démontré ce que c'est véritablement de confesser le Christ. Maintenant, ce qu'il avait reçu était bon. Même Jésus dit qu'il a pu confesser le Christ comme le Christ par la révélation du Père. Mais c'était partiel quand même, n'est-ce pas? C'était encore secret. Et c'est véritablement difficile de trouver une seule personne avant la résurrection qui avait bien compris, qui avait bien arrangé l'affaire pour comprendre et expliquer que le roi de David, le Messie promis, devait être aussi le serviteur souffrant. Que ce roi doit être aussi le prêtre et le sacrifice et le tabernacle et le brebis, l'agneau et le bouc offert le jour de l'expiation. Est-ce qu'il y a une seule personne qui met ces choses ensemble? Il y a de la révélation ici, dans la Pâque. Il y a de la révélation dans le jour de l'expiation. Il y a Psaume 110. Il y a Isaïe 53. Mais qui a mis ça ensemble? Même pas les apôtres! Oui, c'était bien caché. Mais par contre, après la résurrection de Jésus-Christ, après le don du Saint-Esprit, après la Pentecôte, quand les chrétiens maintenant commençaient à prêcher, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit, franchement, lire ce que nous appelons l'Ancien Testament, franchement, lire la Bible, ça vaut pas grand-chose parce que nous l'avons vu pour des années, et nous n'avons rien compris. Ce qu'il faut accepter, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et ça prouve tout, ça arrange tout. Et c'est ça qu'ils ont dit? Et certainement, ils voulaient souligner l'importance de la résurrection. Ils ont prêché la résurrection, certainement. Mais vous n'avez que suivre, par exemple, le premier sermon après la Pentecôte, pour voir qu'il y a une citation de Psaume 16, une citation du prophète aussi, Joël, une exposition de ces textes vétérotestamentaires. Et l'apôtre Paul, quand il prêche, qu'est-ce qu'il fait? Quand il entre dans les synagogues, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, à Antioche de Pisidie, dans Actes chapitre 13, ou quand il se trouve en Bérée, à Bérée ou autre part, il expose les Écritures, n'est-ce pas, pour prouver que le Messie devait souffrir. Donc, après le fait, les apôtres, les écrivains du Nouveau Testament, insistent à maintes reprises que si nous lisons bien les Écritures, nous allons voir, nous allons apprendre que les Écritures avaient tout prédit, malgré le fait que nous ne l'avons pas vu. C'est pour cette raison que Jésus offre sa critique des apôtres dans Luc chapitre 24. Parce qu'il dit en effet que vous auriez dû comprendre et vous ne l'avez pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait donc à travers ces 40 jours entre sa résurrection et son ascension? Il leur a tout expliqué de nouveau. Il avait déjà prédit à maintes reprises avant sa mort qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter d'être ressuscité d'entre les morts. Il avait dit à maintes reprises, ils n'ont rien compris. Il n'avait pas la catégorie pour cela. Mais après le fait, sans doute, il a tout expliqué. Même le texte dit, à partir de Moïse, il a commencé de parler de chaque écriture qui avait relation avec lui. Et des fois, nous nous disons, « Oh, j'aurais bien aimé être là. » Vous ne pensez pas que c'est précisé dans nos Écritures? C'est exactement pour cette raison que nous avons nos Écritures, qui citent l'Ancien Testament pour répéter ce que le Seigneur avait dit à ses premiers disciples après la résurrection. C'est pour cette raison que nous avons les citations dans Romains, ou dans Actes des Apôtres, ou dans Hébreux, comme nous avons déjà vu. Et nous avons vu les différences herméneutiques même dans la pensée de l'apôtre Paul, avant sa conversion et après sa conversion. Comment la loi fonctionnait comme le point de contrôle du point de vue herméneutique avant, et ensuite c'était l'histoire du salut. Nous avons déjà vu cela, n'est-ce pas? Mais Paul ne connaissait pas ces choses avant sa conversion. C'était caché. Mais c'était déjà révélé. C'était là, dans le texte. C'était tout prédit. Donc, après le fait, il faut voir que le plan du salut était déjà établi. Qu'il y avait déjà ces textes de l'Ancien Testament que nous avons déjà examinés ensemble, qui disaient des siècles et des siècles et des siècles avant Jésus-Christ que l'alliance ancienne était déjà obsolète, que le sacerdoce lévitique était déjà obsolète, et même que l'ancienne alliance était obsolète parce qu'il y avait déjà promesse dans le temps de Jérémie d'une nouvelle alliance. C'était tout prédit, malgré le fait que personne ne l'a compris. C'était caché. La chose intéressante ici, il me semble, ça c'est tout présupposé par l'apôtre Paul. Il ne veut pas l'expliquer, il l'explique à maintes d'autres reprises. Mais ce qui est intéressant ici, il dit, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » Le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Qu'est-ce que c'est ce secret? Mais c'est l'Évangile, mais surtout visé sur un point dans ce contexte. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Parce qu'après tout, maintenant, comme il a dit chez Romains, que nous avons déjà examiné, tous étaient perdus. Juifs et Grecs, semblablement, tous étaient perdus. Dieu les avait déjà livrés à leur passion, à leur péché. Et ce que ça prenait un sauveur avec la grâce que nous acceptons par la foi. Donc, Romains chapitre 3, versets 21 et suivant. Jusqu'à la fin de chapitre 4, souligner la foi. Et même que c'est déjà un principe chez Abraham et chez David, dans Romains chapitre 4, vous voyez? Pour réunir toutes choses en Christ. Et ce n'est pas tout simplement qu'il a fait. Oui, il l'a fait. Mais nous lisons, il nous a fait connaître. Dieu aurait pu nous racheter. Dieu aurait pu nous sauver. Dieu aurait pu nous pardonner, s'il avait voulu, sans tout expliquer. Il est suffisamment puissant, il peut faire ce qu'il veut. Il aurait pu le faire. Mais l'apôtre Paul rend grâce à Dieu parce qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui. Ce n'est pas seulement ici que nous trouvons un tel thème. C'est dans une autre catégorie complètement, mais ça vaut la peine de le regarder brièvement. L'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean. Surtout verset 12 de chapitre 15, Jean 15, 12 et suivant. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Eh bien, nous parlons assez souvent, il me semble, assez facilement de l'amitié de Jésus. Jésus est notre ami. C'est une belle pensée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit, nous sommes ses amis. Et ensuite, le texte dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qui suggère que ce n'est pas une amitié réciproque. Je ne peux pas tourner vers le Christ et lui dire, eh bien, tant mieux, maintenant tu es mon ami aussi si tu fais ce que je commande. Ce n'est pas une amitié réciproque. Vous voyez? Maintenant, il faut même poser la question, pourquoi est-ce que Jésus introduit la distinction entre serviteur et ami? Parce que pour nous, en général, nous pensons que serviteur signale quelqu'un qui doit obéir au commandement du patron ou du boss ou de celui qui possède l'esclave ou quoi que ce soit. Maintenant, il dit, tu es mes amis si tu fais ce que je commande. Mais ça, c'est un serviteur, n'est-ce pas? Pourquoi faire la différence entre les deux? Supposons qu'un officier dans l'armée dit à un pauvre soldat, « Va chercher la voiture. » Si le soldat lui répond, « J'aimerais bien savoir pourquoi, pour combien de temps ?» Est-ce que je pourrais l'emprunter moi-même afin que je puisse voir ma fiancée, peut-être, aller à la banque pour conduire mes affaires? Je ne pense pas qu'il serait béni pour cette réponse. Mais supposons à place que ce pauvre soldat était, disons, le fils de l'ami le plus près du colonel, ou du colonel qui a donné l'ordre. Peut-être même quand ce soldat était petit garçon, il a joué sur les genoux de ce colonel quand il était seulement sergent. Et donc, c'est un ami de la famille, pour ainsi dire. Le colonel pourrait lui dire peut-être... Jacques, veux-tu chercher la voiture? Je veux voir le général, ça va prendre, oh, je ne sais pas quoi, 30 minutes. Et pour ces 30 minutes, tu peux utiliser la voiture si tu veux, mais tu dois revenir à telle et telle heure. Est-ce que le soldat, maintenant, est moins responsable à obéir? Non. Quelle est la différence, quand même, entre les deux cas? L'amitié. Explication. Information. Vous voyez? Ce n'est pas un degré d'obéissance. L'obéissance est exigée. Mais Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne comprennent pas. Je vous appelle ami parce que j'ai tout expliqué. C'est exactement le même point que fait l'apôtre Paul. Il nous a donné le don de connaître le mystère de sa volonté. Il aurait pu tout simplement nous sauver. Et ça, c'est formidable. Il nous a rachetés, il nous a pardonnés. Il nous a établis, il nous a adoptés. Il nous a élus avant la fondation du monde. Mais aussi, à part de tout cela, il nous a fait connaître ce qu'il faisait par la révélation du mystère. Afin que nous puissions, non pas tout simplement recevoir la bénédiction du salut, mais la compréhension du salut pour mieux l'adorer, pour mieux être reconnaissant, pour mieux expliquer aux autres ce que Dieu fait. Voici la présupposition même de l'évangélisation. Nous savons ce que fait Dieu. Nous sommes ses amis. Ses serviteurs, oui, il faut lui obéir. Mais ses amis, mon fils adopté, je veux t'expliquer ce que je fais maintenant. C'est ce que Dieu dit, en effet. Il nous donne la révélation de Jésus-Christ, non pas tout simplement les faits, la croix, la résurrection, mais les explications, surtout le Nouveau Testament, qui expose l'Ancien Testament, afin que nous puissions comprendre la richesse de son dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Maintenant, nous voulons aussi examiner brièvement versets 11 à verset 14, mais c'est le temps d'une pause.